Galaxy Sound System, merci Hubert, avec toi depuis 8h ce matin pour son concept électrochic. Comme tous les samedis, jusque 10h, Hubert sur Internet, c'est tout simple, un clic directement et un message envoyé à son adresse internet hubertgalaxy@galaxyfm.com. À la semaine prochaine Hubert, pour l'heure nous on est en direct, on est ensemble pour l'émission Sound System, avec une petite émission spéciale comme tous les samedis matins, puisque tout à l'heure à partir de 10h30 jusqu'à 11h, une demi-heure de mix 100% rétro préparé par moi-même. Et on remet ça juste après, une heure après, à partir de 11h30 et jusqu'à midi, avec la deuxième partie du 100% mix rétro. Mais pour l'heure, on s'écoute une petite nouveauté, un coup de cœur. Deadmau5, son morceau Tiny Dancer, sorti sur Effin Records. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. système, tu es calé fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique avec cette découverte Deadmau5, ça c'est le nom de l'artiste, et son dernier morceau Tiny Dancer sorti sur le label FIN Records. Direction la rétro et la New Wave plutôt, avec un petit clin d'œil aux fans du groupe Depeche Mode. Music remains on top. Jérémy sur Galaxy. Jérémy sur Galaxy. Sur Galaxy. We'll be right back. been so long. Still I can't help believing now you're gone. Something stays within me. Closer to me. Classique de l'émission Sound System, c'était le groupe Liquid avec le morceau Closer. Dans moins de 10 minutes, je ferai place à Stéphane Laroche pour l'agenda intergalactique avec le meilleur des informations de proximité. Juste après, on enchaîne avec une demi-heure de mix 100% rétro, le premier mix de cette matinée. Juste après aussi, vers 11h, on fera un tour d'horizon ensemble, les principales soirées marquantes pour ce samedi 15 mars avec notamment plusieurs soirées spéciales au Baroka, au Cherry Moon et puis au Bliss Club. Mais d'ici là, on continue en musique et en nouveauté avec un titre que j'affectionne tout particulièrement. Je te propose Lange avec le morceau Songless sorti sur le label Maelstrom. Turned around, and I'm running. days getting stuck, gonna get so close. And I'm out of time to let you know I'm songless. Système, un petit clin d'œil à tous ceux qui profitent de nos programmes directement sur internet au live.galaxyfm.com à travers le monde, 100% gratuit directement donc sur le portail web de l'émission et de galaxyfm.com, le live.galaxyfm.com, une adresse, une seule à retenir et à noter sur tous vos agendas. Tu viens d'écouter une nouveauté à l'instant, Lange, avec le titre Songless sorti sur Maelstrom Production. On continue en rétro avec un souvenir qui va faire plaisir, Lunatic Asylum, le morceau Meltdown qui nous emmène jusqu'au cap des 10:30. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Galaxy Sound System, à l'instant Lunatic Asylum avec le morceau Meltdown. On vient de passer le cap de 10h30. Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Tu es calé Galaxy pour le meilleur de la musique électronique. Tous les matins, Sound System, le samedi en tout cas, entre 10h et midi. Émission en direct, le ping-pong entre la rétro et la nouveauté. À venir dans quelques minutes, entre 10h30 et 11h, 100% de mix rétro avec pas mal de coups de cœur et de rétro-trans. Mais juste avant ça, je te balance les quelques informations qui concernent l'agenda Galaxy. Et les soirées marquantes pour ce samedi 15 mars, on commence tout d'abord avec le Barocca, soirée spéciale ce soir, Danser Satu, deuxième édition, avec l'anniversaire de Sylvie et David. Et en guest au platine, ce soir du côté du Barocca, Fifi, Big Ben, Cibes, Monkey Catcher, Dr. Gonzo, Antoine D et Dame Orgy. On continue avec le Bliss, ce soirée spéciale Star for the Way, avec en guest de la Team Galaxy, Guillaume, Steve et Alex Keia, aux côtés des résidents, 6PO et Flam. À la bûche, le concept Saturday's New Session avec Laurent Top, Frank J et Xtian. Au Cherry Moon, concept Saturday avec en guest ce soir Paolo Mojo, Yuri Parker, Fred Nason, Solphonic, les Loulou Players, Jens Holmes aussi du côté du Cherry Moon. Plus d'informations, www.cherrymoon.com. On continue avec l'Escape Concept, soirée résident, et au platine tu retrouves Dave, Luke, Kevin et Huggy Anton. À l'H2O, soirée spéciale Panthers Party de Hottest avec en guest Draze, aux côtés du la trim de la team des résidents, le trio Chris, Johan et Simai, pardon. Au Pulse Factory, résidence mensuelle de DJ Marco, à côté de Saint-Victor, Sipi et Michael Fanza. Et au Zoo Club, la Indian Party avec DJ Ganesh au platine et les résidents Bot People, j'ai nommé Serum et Romanes. Tu retrouves toutes ces informations en un clic, www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. N'hésite pas à te connecter également sur le site web de l'émission www.soundsystem-mix.fr et profiter de nos programmes sur internet en un clic, live.galaxyfm.com. 10h33, tout de suite, c'est parti pour le 100% mix rétro pendant une demi-heure. Sound system. Galaxy Sound System, le coup de vieux du samedi matin, 100% cassage de pattes arrière avec World Party 2. Il y avait aussi Cactus Rhythm. Un petit clin d'œil sur la grille des programmes de ta radio avec ce que l'on propose cet après-midi. Jimmy, tout à l'heure, entre midi et 14h avec Spiritual Choice, il y aura Dust pour son émission Rétro Electro entre 14h et 16h, suivi de Oko 16-9 entre 16 et 18. Silver Sea qui s'y colle entre 18h et 19h30, suivi de Claude Monet jusqu'à 20h30. À partir de 20h30, c'est Nico Enco pour le concept Refresh 100% House. Et à partir de 23h, c'est Jérôme B au platine de Galaxy pour son concept d'émission Party House. Et demain matin, tu as rendez-vous avec Pascal Mancini pour son émission Party After le dimanche matin entre 10h et midi. Plus d'infos et plus de précisions sur la grille des programmes de Galaxy directement en un clic sur le site internet de Galaxy, www.galaxyfm.com. On continue et on revient en rétro. Souviens-toi, souvenir de Banzai. Sound System, Jérémy sur Galaxy. Galaxy, Saint-Système, le réveil rétro du samedi matin sur Galaxy pour le meilleur de la musique électronique et des souvenirs avec pas mal de bonnes choses depuis 10h30 tout à l'heure. Première partie et fin de ce mix 100% rétro. La suite tout à l'heure à partir de 11h30 et jusqu'à midi. On remet ça une deuxième couche avec 30 minutes de 100% rétro. Mais d'ici là, il est 11h. Si on arrive à mi-parcours de l'émission, si tu viens te connecter sur le live.galaxyfm.com, c'est Saint-Système. L'une des dernières émissions, puisque l'émission se termine dans le courant du mois de mars, en tout cas dernier samedi du mois de mars, ce sera la dernière de l'émission avec une émission un petit peu spéciale, je t'en reparlerai. N'hésitez pas à me balancer des messages sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. Ce seront des messages que je diffuserai et lirai lors de la dernière émission de samedi qui devrait tourner aux alentours du 29 mars, je pense, oui, de mémoire, 29 mars, dernière émission Sound System. Donc n'hésite pas à te connecté sur le forum de Galaxy, tu me laisses des messages, les dédicaces, les petits clins d'œil sympas, je diffuserai tout ça lors de la dernière émission du mois de mars. Pour l'heure, on arrive donc à mi-parcours, tout de suite on démarre cette deuxième partie d'émission avec un de mes coups de cœur du moment, l'objectif intergalactique. L'artiste s'appelle Jonas Steuer avec le titre The Night Is Young, c'est sorti chez Black Hole Productions. Galaxy. Galaxy. Music. Or happy people. Happy people. music remains on top. Thank you. Galaxy Sound System, un titre joyeusement musical de l'Electro House avec l'ami DJ Dan pour le morceau The Way, sorti chez le label In Stereo. Un titre bien classé, 22e position hein, dans le top du mois de février, le top 40. Une émission que tu retrouves tous les derniers samedis du mois sur Galaxy entre 18h et 19h30, où avec Hubert, on parcourt ensemble les 40 titres les plus diffusés sur l'antenne de Galaxy. DJ Dan avait fait son entrée la semaine dernière directement à la 22e position. Et puis, je suis prêt à te parier que dans le prochain top, c'est-à-dire le top de l'émission du samedi 29 mars, que tu pourras découvrir à partir de 18h le 29 mars, je suis sûr que DJ Dan et ce morceau The Way seront très très bien classés, certainement dans les 10 premiers du top 40 de Galaxy. Le rendez-vous est donné donc samedi 29 mars à partir de 18h pour découvrir le nouveau top 40 de Galaxy. On continue en musique, en rétro avec Yves Derwitter et le morceau Calling Earth, souviens-toi. Galaxy, Galaxy Music for Happy People. Happy People. Galaxy, ça tue et passe, je tenais à dire un coucou d'éveil à mon frère William. Alors, s'il y a moyen, je vous remercie. Allez, bonne bourre et Galaxy Satu. joli souvenir à l'instant avec Dave Davis et le morceau Transfiguration. Si tu aimes la trance, trois moments à ne pas manquer sur la grille des programmes de Galaxy. Tout d'abord le mardi soir entre 21h et 23h, tu as rendez-vous avec Nicolas pour son concept d'émission trans progressive Trip in Progress. Le vendredi soir également, les Progressive Sessions animées et mixées par Guillaume entre 21h et 23h. Et puis demain dimanche, autre rendez-vous trans entre 14h et 16h avec l'ami Michael H qui prend possession des platines de Galaxy. Michael H, tu le retrouves également tout au long de la semaine du côté de chez Dicky Records à Moucron. D'ailleurs, on salue l'ensemble de l'équipe de Dicky. On continue en musique, il est 11h30. Place tout de suite à une demi-heure de 100% rétro. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Sound System, merci d'être arrivé, scotché, agrippé à ta radio, calé fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique. Avec à l'instant Naline & Kane, Open Your Eyes, le remix d'At The Villa qui clôt cette première, cette 100% mix, pardon, dans le cadre de l'émission. Émission spéciale, vous le savez, puisque d'ici la fin du mois de mars, ce sera la dernière. En tout cas, la dernière émission, ce sera le samedi 29 mars avec une émission très très spéciale de 4 heures avec plein d'invités entre 10h et 14h. J'aurai l'occasion de te filer plus d'infos directement à travers le portail web de l'émission www.soundsystem-mix.fr ou directement sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. On fait un dernier tour d'horizon des principales soirées marquantes pour ce week-end, avec tout d'abord du côté du Barocca, la soirée spéciale Danser, ça tue, deuxième édition. Ça va Luigi? En forme? Avec des auditeurs ici dans les studios, il y a aussi Kimbo derrière moi et puis ça, son épouse, il y a Jimmy qui se prépare. Donc Danser, ça tue 2, ça se déroule au Barocca, avec l'anniversaire de Sylvie et David, avec en guest ce soir Fifi et Beat Ben, Sibas, Monkey Catcher, Dr Gonzo, Antoine Day et puis Damon G. Au Bliss Club, la Star Wars Far Away, avec en guest Guillaume, Steve, Alex Kaya de la Team Galaxy, DJ 6PO et Flamme. À la bûche, le concept Saturday's New Session avec Laurent Top, Frank J et Xtian. Au Cherry Moon, la réouverture du club avec le nouveau concept et en guest ce soir Paolo Mojo, Yuri Parker, Fred Nason, Solphonic, Lulu Players et Jens Holmes. Plus d'infos directement sur internet www.cherrymoon.com. On continue avec l'Escape Concept, soirée résident, Dave, Luke, Kevin et Huggy Anton au platine, l'âge de zoo, la Panthers Party de Hottest avec en guest Draze et le trio de résidents Chris, Johan et Simai. Au Pulse Factory, la résidence mensuelle de DJ Marco de la Roca, accompagné de Saint Victor, CP et Michael Forzai. On termine avec le Zoo Club, la Indian Party avec en guest ce soir DJ Ganesh et les résidents, les Boat People, j'ai nommé Serum Romanes. Plus d'infos directement sur internet en un clic www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. Ainsi s'achève notre émission, vient de passer le cap des midi. Tout de suite c'est Jimmy avec son concept Spiritual Choice et un invité aujourd'hui à ne pas manquer, c'est Claudio Lorenz en invité de Jimmy dans les Spiritual Choice, émission trans progressive. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Sound System entre 10h et midi. On s'approche de la dernière émission, ce sera donc des séries d'émissions spéciales et d'ici là on se donne rendez-vous sur internet www.soundsystem-mix.fr. à la semaine prochaine, tout de suite c'est Claudio Lorenz. Galaxy, galaxy, galaxy, galaxy, galaxy.